Merci de choisir la radio Isanganilo pour vous informer. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici d'abord les titres. Certains habitants de la mairie de Bujumbura trouvent déplorable que des grenades soient larguées dans des endroits bourrés de personnes. Ils disent être inquiets de la recrudescence des jets de grenades dans la ville. En province Karoussi, certains administratifs et grossistes des produits de la Braroudi s'indignent de la décision de cette société de servir seulement les bistrots ciblés. Ils regrettent qu'ils n'ont pas été informés de cette décision. Notre correspondant nous fera le point. Et 5 ménages qui ont été délocalisés au centre d'enseignement des métiers de Kadjaboulé sur la colline Kiganda, en commune et province Bururi, suite au glissement de terrain survenu sur la même colline, disent vivre dans des conditions difficiles. Ils expliquent qu'ils sont menacés par le froid et la faim. Ils demandent assistance. À suivre également dans cette édition, la chronique sportive. On vous parlera du cross-country en athlétisme. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabide, Albert Douai assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Certains citadins de la mairie de Bujumbura se disent inquiets de la recrudescence des jets de grenades dans différents coins de la ville. Ils trouvent que c'est déplorable que ces grenades soient larguées dans des endroits où il y a rassemblement de beaucoup de personnes. Ils demandent aux autorités de prendre des mesures qui s'imposent pour renforcer la sécurité. Suivez-les. J'ai été choqué par ça. Malheureusement, les victimes sont souvent la population innocente. Il faut que les gens évitent, dans la mesure du possible, des rassemblements dans des lieux publics, car les malfaiteurs profitent de ces endroits pour jeter ces grenades. Imaginez une personne, donc vous le voyez comme vous, mais il n'y a pas quelque chose de distinction, il est comme toi. Vous asseyez ensemble sans avoir tout simplement qu'il est venu pour donc perturber la situation. Donc ça m'a choqué trop. Donc il faut qu'on ait cette attention pour qu'on puisse au moins voir comment gérer cette situation. En tout cas, je ne vois pas quoi d'autre va demander au gouvernement, puisque le gouvernement, si on essaie de voir, c'est donc il fait ce qu'il devrait faire. J'étais déjà au centre-ville et j'ai vraiment eu trop peur. Je ne me suis pas habituée à ça et je pensais qu'on venait d'appréhender un voleur, ce qui n'était pas le cas. Et pour nous les jeunes, ça nous traumatise. Il faut que la sécurité soit doublement renforcée dans tous les coins du pays pour qu'on puisse se sentir en sécurité. S'il y avait un hypertendu, c'est trop risquant pour sa santé. Il peut même mourir et ça serait une perte pour le pays. La population est toujours victime. C'est vraiment déplorable. On demande au gouvernement de renforcer la sécurité, surtout dans des endroits où habituellement il y a beaucoup de gens. Vous avez remarqué que ces grenades ont été larguées tôt, c'était vers 19h. Je pense que cela ne pourrait se reproduire une fois la vigilance doublée. Nous sommes habitués qu'à l'approche des élections, de tels dégâts s'observent. Nous demandons à ce que la sécurité soit renforcée. Et quant à la population, pour moi, il faut qu'elle reste prudente et vigilante en cas de soupçon, l'informer aux forces de l'ordre. Une autre chose, il faut aller dans des endroits de rassemblement uniquement en cas de nécessité, sinon il faut éviter. On vous rappelle que le jet de grenade largué vendredi soir sur le parking des bus menant vers le nord de la ville de Bujumbura a fait 38 personnes blessées, dont 5 grièvement, selon la déclaration du porte-parole du ministère de la Sécurité publique ce samedi et dans un point de presse. Pierre Moulikié a fait savoir que 6 personnes ont été arrêtées après les attaques à la grenade dans les zones urbaines de Ngagala et Kaming. Une personne est morte lors du jet de grenade, dans un débit de boissons à Kaming. En parlant de sécurité, 5 personnes de la colline Busokoza en commune Butaganzwa de la province Kayanza sont sous les verrous au cachot communal Butaganzwa depuis ce samedi. Les informations sur place et qui sont confirmées par l'administration collinaire disent qu'ils sont accusés d'être auteurs de l'assassinat d'un jeune homme de cette même colline la nuit du vendredi au samedi passé. Patrick Senguiyumba. Des informations en provenance de la colline Busokozan de la commune Butaganzo en province Kayanza disent que la victime de cet assassinat était l'agent colonel à Busokozan du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes Paéja en sigle et qu'il tenait aussi un cabaret à la colline Busokozan. Les mêmes informations indiquent que la victime avait l'après-midi de ce vendredi passé fait l'enregistrement à l'état civil de sa fiancée avec laquelle il fonderait un foyer les jours à venir. Après cet enregistrement à l'état civil, indique Nsengi Mvamedi que le chef colonel Busokozan s'était perdu. La personne qui a été assassinée avait partagé un verre avec ses amis dans son cabaret. La nuit a l'air d'y couvre-feu, ajoutait-il. La victime a été accompagnée par certains de ses amis, dont parmi eux le frère de sa fiancée. Des informations en provenance de la colline Busokoza disent qu'il aurait été assassiné en cours de route à l'aide d'une matraque et que le corps du défunt a été jeté près de son domicile. 5 personnes ont été arrêtées le samedi matin et conduites au cachot communal Butaganzo pour question d'enquête judiciaire. Signalons que le même vendredi passé où cette personne a été tuée la nuit. L'après-midi, une autre personne a été assassinée à la colline Yamukona en commune Kabarole de la province Kayanza. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Le tribunal de grande instance de Mukaza a décidé que Sandra Muhoza, journaliste de la Nova Burundi, reste en détention préventive après sa comparution en date du 6 mai cette année. Sa défense compte interjeter appel. Muhoza est détenue à la prison centrale de Mhimba depuis jeudi 18 avril 2024. Elle est poursuivie pour 2 infractions. Il s'agit de l'atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Elle a été arrêtée en date du 13 avril cette année. Elle venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations en province Ngozi. Sa défense trouve que Sandra devrait être libérée immédiatement. Et le journaliste Kenny Claude Nduwimana a comparu le 2 mai devant le tribunal de grande instance de Mukaza. Détenu à la prison centrale de Mhimba depuis octobre l'année passée, il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet 2024 et pour cause, son co-accusé dans cette affaire a été libéré provisoirement et ne s'est pas présenté pour l'audience. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Vous pouvez également nous suivre sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro, RTI, et sur X, c'est RT Isanganiro. Dans la suite de cette édition, certains administratifs et grossistes des produits de la Brarudi s'indignent de la nouvelle distribution de ces boissons dans la province Karusi ces derniers jours où l'on constate la carence de ces produits. Le délégué de la Brarudi confirme que les bistrots qu'ils ciblent sont les seuls qui servent au dépôt de la Brarudi durant cette période de carence de ces produits. Il indique que c'est la décision de cette société. Certains administratifs disent qu'ils n'ont pas été informés de cette décision et demandent un partage équitable dans le but de faire face aux spéculations. Blaise Pascal Kalaloumié. Certains de ces administratifs communaux et même les commerçants grossistes et les détaillants de ces produits de la Brarudi dans la province Karusi situent leur lamentation au fait que ces jours-ci, ces boissons sont directement distribuées à certains bistrots qui sont ciblés. Ils affirment qu'ils n'ont pas été concertés pour la nouvelle stratégie de distribution actuellement mise en œuvre au Mega SSD Karusi depuis la carence de ces produits. Les grossistes de ces produits, propriétaires des dépôts, passent presque un mois sans être servis, de même que la plupart des bistrots. C'est le cas des communes de Gitaramuka et Mutumba qui viennent de totaliser un mois sans être approvisionnés, de même que les communes de Nyabikere et Chombo. Tous s'étonnent que ces mêmes cabarets ciblés pour s'approvisionner directement au stock de la brasserie, la plupart d'entre eux sont de la commune Buhiga et ces bistrots vendent ces produits à des prix illégaux, la plupart 3000 francs pour la Primus et même plus, et 4000 francs et même plus pour la Mustel, alors que la Primus devrait être vendue à 2200 francs et la Mustel 3000 francs. De même que pour les petites bouteilles de Primus ou de Mustel, où l'on majore de 300 à 500 francs. Les propriétaires de ces bistrots qui ont été ciblés pour s'approvisionner directement disent que les dépenses qu'ils font pour le transport sont grandes afin d'arriver à des points de vente. Le propriétaire du stock Mega SSD, en même temps représentant des commerçants de la province car aussi, affirme que le ciblage de ces cabarets à servir est fait par le délégué de la Braloudi, de même que la distribution de ces produits. Celui-ci, quant à lui, explique que c'est la décision de la société Braloudi de servir directement les bistrots sans passer par les dépôts des particuliers durant cette période de carence de ces produits. Cependant, les administratifs et les grossistes demandent d'être concertés comme cela se faisait avant afin d'arriver à un partage équitable des quantités qui sont disponibles. Ils signalent que la plupart de ces bistrots sont ciblés dans une seule commune de Bouhiga et certaines communes n'étant plus servies. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. Merci Blaise. Et la consommation des boissons à un degré d'alcool élevé constitue un danger pour la santé de la population. Le psychologue Pierre Claver-Njedimana le dit au moment où ces derniers temps, l'on observe un changement de comportement de la part des gens qui consomment ces boissons. C'est au moment où ces personnes disent qu'ils consomment ces boissons suite au manque de produits Braloudi. Pierre Claver-Njedimana appelle la population à être responsable et au Burundi et au bureau burundais de normalisation, de faire un contrôle rigoureux pour se rassurer de la qualité de ces produits. On l'écoute. Cette épidémie a occasionné un changement de comportement de la population qui s'adonne à ces bières, mais qui sont produits localement, mais qui ne sont pas du tout contrôlés, surtout en teneur alcoolique, et qui provoque, je dirais, un déphasage au niveau de la santé de la population. Là, j'ai dit qu'une population qui était habituée à consommer la bière de Braloudi se voit dans les possibilités d'acheter cette bière parce que cette bière n'est pas présente et si elle est présente, elle coûte énormément cher et la population ne parvient pas à avoir de l'argent ou les moyens pour pouvoir se procurer de ces bières. Alors, c'est-à-dire que comme elle est déjà habituée à consommer, elle va à tout prix chercher un moyen de satisfaire cette soif en utilisant les bières locales qui malheureusement ne sont pas, je dirais, contrôlées au niveau de l'EBN. Par exemple, dans ces derniers jours, vous entendez parler d'une bière dénommée Sapor qui provoque des ennuis dans la population. Il y a des jeunes papas ou des jeunes mamans qui ne parviennent plus à rentrer à la maison, qui, une fois consommés ces vins, se voient dans l'ébriété totale et dans ces conditions, vous comprenez que dans ce contexte, le pays doit perdre. Parce que, imaginez-vous, une personne qui était habituée à produire, qui ne parvient plus à aller à vaquer à ses activités. Et si la personne ne va pas au travail, vous comprenez que le pays en périsse. Moi, je pense qu'il y a moyen de changer la situation. Les services habilités, comme la BBN, par exemple, devraient faire une descente sur le terrain et constater les faits et tirer finalement des conclusions nécessaires pour pouvoir assainir cette situation. 5 ménages composés de 31 personnes délocalisés au centre d'enseignement des métiers de Kadjaoulé sur la colline Kiganda en commune et province Bururi, suite au glissement de terrain survenu sur la même colline qui a emporté la vie de 2 enfants au mois d'avril de cette année, disent qu'ils vivent dans des conditions difficiles. Ils indiquent être menacés par la faim et le froid. Ils demandent à l'État et aux bienfaiteurs de leur venir en aide en leur construisant des maisons et octroyant des vivres. L'administrateur de la commune Bururi, Félix Nyongabo, demande à ces ménages de chercher des parcelles au centre Kadjaoulé et les interchanger avec leurs portions de terre cultivables. Zeno Nzambimana. Ces 5 ménages sont composés de 31 personnes, dont 5 femmes, 4 hommes et 22 enfants. Ils habitent dans 5 locaux du centre d'enseignement des métiers de Kadjaoulé sur la colline Kiganda en commune et province de Bururi, sur la route nationale numéro 16 Bururi-Lumonge depuis le 15 avril de cette année. Ils ont été délocalisés le lendemain d'un glissement de terrain qui a détruit différentes maisons de cette localité, ce qui a emporté la vie de 2 garçons dans le ménage de cette localité. Nestor Nichimhaï, père de 6 enfants victimes de ce glissement de terrain, dit qu'il mène aujourd'hui une vie très difficile dans ces locaux où ils ont été délocalisés car leur champs de culture, leurs animaux domestiques et tout le matériel de leur maison ont été emportés par cette catastrophe. Ils grognent qu'ils sont aujourd'hui menacés par la faim et le froid et demandent à l'État et aux autres bienfaiteurs de leur venir en aide en construisant leur propre maison et à leur octroyer des vivres et des non-vivres, surtout les couvertures pour se protéger contre le froid. L'administrateur de la commune de Brouilly dit que ces personnes ont été provisoirement délocalisées dans ces salles de classe du centre d'enseignement des métiers de Kajaboulé pour les protéger contre ce glissement de terrain. Mais la commune se retrouve aujourd'hui dans les capacités de construire leur propre maison, surtout qu'il n'y a plus de terre domaniale dans cette localité. Félix Nyongabo appelle ces ménages victimes de chercher eux-mêmes les parcelles chez ceux qui en disposent au centre de Kajaboulé pour les interchanger avec leur portion de terre cultivable. Depuis Kajaboulé, en commune de Brouilly, Zenon Zambimara pour la radio Isanganiro. Merci Zeno. Restons toujours à Brouilly. En bref, une fille âgée de 23 ans et locataire du cachot du commissariat provincial de la province à Brouilly, de la police pardon, à Brouilly depuis ce dimanche. Poursuivie pour infanticide, elle a été arrêtée à son domicile sur la colline Moudarandoua en commune Brouilly par la police après avoir eu des informations disant qu'elle a tué son nouveau-né qu'elle a directement enterré non loin de son domicile samedi le 4 mai de cette année, juste après l'accouchement. Les sources sur place indiquent que seuls les restes de la victime ont été découverts car les chiens l'avaient déjà déchiqueté et mangé. Au niveau de la police, on fait savoir que cette mère est célibataire, qui avait un autre enfant a été arrêtée pour raison d'enquête. Radio Isanganiro, chronique sport. Les athlètes classés premiers dans les compétitions organisées au niveau des régions se rencontrent dans le mois de février dans le championnat national de cross-country. Silver Nsengiyumva, directeur technique de la Fédération burundaise d'athlétisme, fait savoir que les meilleurs athlètes au niveau national représentent le Burundi dans le championnat mondial de cross-country qui se déroule chaque année dans le mois de mars. Chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Les athlètes qui se sont qualifiés premiers dans les compétitions régionales de cross-country s'affrontent dans le championnat national de cross-country organisé chaque année pendant le mois de février. Explication de Silver Sengiyumva, directeur technique national de la Fédération burundaise d'athlétisme. On suit le calendrier national qu'on a établi juste après les championnats du monde s'il y en a, juste après les Jeux olympiques. Quand la première saison se termine au mois de juin, il y a une transition pour répondre aux compétitions internationales. Mais dès le mois d'octobre, c'est là où on commence le cross-country au niveau provincial et jusqu'au niveau régional, c'est-à-dire la région est composée par 4 associations provinciales jusqu'au niveau national où on organise chaque février de chaque année un cross-country national. Après ce championnat national de cross-country, suivent les préparatifs du championnat mondial de cross-country qui se déroule pendant le mois de mars. Après le championnat national, cross-country national de février, généralement on prépare justement le championnat du monde de cross-country qui se déroule généralement au mois de mars. Et exceptionnellement, il y a des fois où ça se passe au mois de février, mais généralement, c'est au mois de mars. Voilà comment c'est organisé au niveau global. Le directeur technique national de la Fédération burundaise d'athlétisme indique que les athlètes classés premiers dans ce championnat national de cross-country sont automatiquement membres de l'équipe nationale. Les athlètes classés premiers, c'est normal d'être parmi l'équipe nationale qui peut représenter le pays d'un moment à l'autre, puis aussi renforcer les capacités, les compétences, les réformes pour qu'ils attaquent la deuxième phase d'entraînement et de compétition qui débute avec le mois de mars en forme après avoir terminé ce qu'on appelle en termes techniques la préparation physique générale, puis entrer dans la préparation physique spécifique avec une forme qui est actuelle, qui leur permet d'attaquer les compétitions régionales et internationales. Dans la prochaine chronique sportive, Sylvain Sengiyumva nous parlera des critères d'attribution des prix décernés aux meilleurs athlètes dans ce championnat national de cross-country. Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Et voilà, c'est ainsi que ce journal s'achève. Merci pour votre oreille attentive fidèle. À la présentation d'Auré Bingabilé, Albert Douayo assuré la mise en onde. Excellente suite de nos programmes.